Hey, hey, just V. Mon esprit est partagé, ravagé, saccagé, marre d'être attaché, je veux m'arracher, je ne rêve que de voyager, donc je vais pas lâcher. Je n'ai qu'une politique, elle est prolifique, c'est toujours rester positif. Les autres, je les horrifie, je les horrifie, je suis toujours avec des jolies filles. Ma bouche détruit tes orifices, auditifs, façon olympique. Pris le polish kick pour mon solid kick, sans viser le gros liquide. Mes soeurs est trop mythique, promu fils, et la facilité me suffit. Pas j'esquive, je ne reste que d'inaccessible. Je le dis, j'avertis, la motive est pire qu'agressive. Donc je prends ce que j'ai à prendre, et je dis pas merci. Mais s'ils n'apprécient pas sur leur tête vide, ma vessie. Et le taf et la dit, besoin de rien, tant que j'ai mes gars et ma clique. Tant que j'ai le studio, le rap et ma zik, c'est la bonne équation mathématique. Artiste sans précédent, ça c'est ma préférence. Donc je dépasse mes références et je tire ma révérence. Parfois je rêve d'un long voyage, j'emporterai ma plume comme seul bagage. Je ferme les yeux et je m'envole. C'est comme ça que je m'en sors. Dans tous les cas, faut que je garde le contrôle. Le contrôle, c'est comme ça que je garde le contrôle. Dans tous les cas, faut que je garde le contrôle. Le contrôle, c'est comme ça que je garde le contrôle. Dans tous les cas, je dois faire mes bails. Je dois faire mes bails. Je dois faire mes bails. Je dois faire mes bails. C'est comme ça que je garde le contrôle. Le contrôle, c'est comme ça que je garde le contrôle. Le truc est logique comme un cours de maths, contrôle. Tour de bas, contrôle. Tour de poitrine, contrôle. Sur les empires, contrôle. J'rappe comme un tour de magie. Mes phrases ont deux sens, à 16, j'ai le double de trafic. Une couronne d'épines sur le crâne, mes douleurs s'expriment. Et tous leurs écrits se remplacent, les couleurs défilent. J'reprends le contrôle dans le rap. J'suis un prof avec des pros immenses. La plupart d'entre eux sont des copies blanches. Des pâles copies, pardonne-moi mes phases au prime. Je me sens comme un mendiant dans la banque, car je gratte trop vite, en accéléré. Je suis lointain donc je vous laisse les CDD. À 30 ans en attendant d'être célébré, car je suis un prince imposteur. Je bénis la livraison, je suis un facteur. Comme Giga ou Vince, je suis un carter. Je distance mes référents, mais ça avec élégance. Il copie le pro, du moins je suis une référence. Parfois je rêve d'un long voyage. J'emporterai ma plume comme seul bagage. Je ferme les yeux et je m'envole. C'est comme ça que je m'en sors. Dans tous les cas, faut que je garde le contrôle. Le contrôle, c'est comme ça que je garde le contrôle. Dans tous les cas, faut que je garde le contrôle. Le contrôle, c'est comme ça que je garde le contrôle. Dans tous les cas, je dois faire mes bails. Je dois faire mes bails. Je dois faire mes bails. Je dois faire mes bails, c'est comme ça que je garde le contrôle. Le contrôle, c'est comme ça que je garde le contrôle.